Mosaïque. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'endroit d'où vous nous captez. Bienvenue dans l'émission Mosaïque. Et Mosaïque d'aujourd'hui est animée par Pacifique Chubahiro. À la fin du mois d'octobre s'est déroulé le dernier round des négociations inter-burundais où le facilitateur Benjamin Mkapa a annoncé que le résultat de ces négociations sera soumis au médiateur principal, le président ougandais Yoweri Kaguta Museveni, et qu'il va par la suite soumettre au président des pays membres de la communauté est-africaine lors du prochain sommet des chefs d'État de l'EAC, désormais confirmé pour le 30 novembre. Aujourd'hui, le gouvernement, qui n'était pas présent au cinquième round de ce dialogue qui s'est déroulé à Arusha, se dit très appliqué sur la voie des élections de 2020. Aujourd'hui, que faut-il envisager en attente du sommet des chefs d'État de l'EAC? Y aurait-il une possibilité de continuer le dialogue? Les chefs d'État pourront-ils aider les Burundais à sortir de la crise politique? Que faire pour que la crise burundaise trouve une solution à travers un dialogue? Dans Mosaïque d'aujourd'hui, pour en parler, nous sommes avec trois invités. Nous accueillons dans ce studio Honorable Phineas Nigaba, porte-parole du parti Sarwanya Frodebu. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Merci de nous avoir invités. Je salue également mes collègues avec qui nous sommes ensemble. Et je salue toute la population burundaise qui nous entend. Nous accueillons aussi M. Kefani Bizi, président du parti Sarwanya Frodebu Nyakuri Iragi Yandadaye. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Et merci de nous avoir invités. Et je salue mes collègues qui sont ici. Et je salue aussi l'auditoire qui est à l'écoute. Autour du plateau de Mosaïque, nous sommes également avec Rémi Aviaimana, expert en résolution pacifique des conflits. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour à vous tous qui nous écoutez. Bonjour aux amis qui êtes avec moi autour de la table. À la réalisation de l'émission Mosaïque, Jérôme Niyonzima, Séraphine Hakizimana assure la mise en onde. Pacifique Chubahiro au micro, je vous souhaite encore une fois la bienvenue. Mosaïque. Sans tarder, honorable Phineas Nigaba, votre parti, Sarwanya Frodebu, a participé au dernier round du dialogue inter-burundais qui s'est déroulé à Arusha. Le parti a continué à clamer que ça ne devrait pas être le dernier, que ce n'était presque le début des négociations. Aujourd'hui, vous êtes sur le même point de vue. Nous, au sein du parti Sarwanya Frodebu, comme nous nous mettons en avant le dialogue, nous sommes sur ce chemin, nous restons encore sur ce chemin de dialogue. Nous sommes sûrs que un jour, un vrai dialogue aura lieu, surtout sur les questions politiques qui hantent notre cher pays. Pour le dernier round, le pouvoir de Bujumbura et ses acolytes n'ont pas répondu au rendez-vous, mais nous avons été là pour travailler et nous avons bien travaillé. Nous avons même produit un document avec nos collègues de l'opposition et c'est ce document que nous avons donné au facilitateur et nous a promis que ce document allait être transmis au médiateur et quitte à ce que ça soit discuté au niveau du sommet des chefs d'État qui sera programmé peut-être dans les jours à venir, comme vous venez de le dire, le 30 novembre 2018. Pour nous, nous attendons les conclusions de ce sommet, mais nous voyons que le pouvoir de Bujumbura traîne encore les pieds. Mais c'est un peu contradictoire. Lorsque vous dites que vous avez soumis un document, des propositions au facilitateur pour qu'à son tour, il puisse remettre ce document au médiateur Yoweri Museveni, alors qu'au même moment, vous dites que ce n'est que le cheminement du dialogue et qu'on ne pourrait pas envisager ça. Nous avons donné des propositions de solutions pour sortir de cette crise. Alors, les chefs d'État vont analyser ces propositions de solutions. Ils vont voir que ces propositions sont convaincantes ils vont même utiliser ces propositions comme pour voir comment trouver des solutions à cette crise. Ce n'est pas tout à fait contradictoire. Donc, vous avez espoir que le sommet des chefs d'État pourra se pencher sur la question burundaise. C'est sur cette question sur laquelle devrait se pencher, parce que la région ne peut pas rester comme ça et ne peut pas croiser les bras au Burundi. Il y a une crise grave, une crise politique qui a causé beaucoup, qui a eu beaucoup de conséquences sur la vie de la population. Même la sous-région peut avoir même des conséquences sur cette crise. Nous pensons que les chefs d'État ne vont pas croiser les bras. Ils vont donner une contribution pour que le Burundi puisse sortir de cette crise. Si ils ne parviennent pas à trouver des solutions, peut-être que ça sera au niveau supérieur. Voilà, Nibizi Kefa, le parti Sahwanya Frodebu Nyakuri n'a pas répondu au rendez-vous du cinquième round. Et vous avancez, comme le gouvernement d'ailleurs, que ce dialogue devrait être rapatrié et que ce qui est urgent, c'est la préparation des élections de 2020. Qu'attendez-vous du sommet des chefs d'État de la communauté est-africaine? Le parti Sahwanya Frodebu Nyakuri n'a pas participé à la dernière session de ce que certains appellent dialogue, mais à ce jour-là, c'était un monologue pour nous parce que c'était une partie d'une opposition radicale qui s'était rencontrée à Arusha pour continuer peut-être ce qu'ils avaient fait en Tibet. Mais quand même invité par la médiation. Nous avons dit que c'était une session ou une séance mal organisée parce que la facilitation n'a pas pu entendre tout le monde pour qu'on puisse harmoniser le point de vue pour mieux organiser une session véritable de dialogue. Parce que après même ce dialogue, nous avons entendu cette session, nous avons entendu que la facilitation était fâchée, que certains participants disaient et aussi qu'il s'agit d'une occasion avortée parce que toutes les parties n'étaient pas présentes là-bas. Je n'aimerais pas donc m'attarder et sur cette session. Je pense qu'on a parlé longuement là-dessus. Aujourd'hui, nous sommes sur l'avenir, donc la session, le prochain sommet des chefs d'État de l'EAC. Et vous savez que chaque année, il y a une organisation du sommet des chefs d'État parce que je n'ai jamais vu nulle part qu'il s'agit d'un sommet extraordinaire. Je pense que c'est un sommet comme tant d'autres qui va se pencher et sur certaines questions de la région. Et comme c'est ce sommet qui a initié. Est-ce que vous serez content si les chefs d'État prennent la question burundaise comme une priorité par rapport à d'autres questions de la sous-région? J'étais tenté de vous dire que le dialogue est en cours, qui est piloté par le président Yoweri Kaguta Museveni, assisté par l'ancien président tanzanien William Benjamin Mkapa, a été initié par le sommet des chefs d'État de l'EAC. Il est normal que dans une session quelconque, ce chef d'État puisse encore s'entretenir sur l'état d'avancement de ce dialogue. Nous attendons donc que plus tôt, parce que mon ami ici parle d'une crise grave, je pense qu'il faut peser les mots, ne pas exploiter peut-être les mots politiquement. Et nous, chez nous, nous acceptons qu'en 2015, il y a eu une crise qui maintenant est presque résolu dans tous ces aspects. Il reste des malentendus entre les politiciens, des malentendus qui existent ici au Burundi, qui existent partout dans le monde. Donc vous entendrez partout que la classe politique ne doit pas toujours avoir la même vision, sinon on aurait un parti unique. Donc aujourd'hui, nous avons des divergences d'opinion dans la classe politique. C'est ce qui est ici maintenant. Et je pense que même le sommet des chefs d'État va prendre une décision qui va dans le sens de clôturer ce dialogue qui n'a plus de bouger. Je l'ai dit la fois passée. Lorsque le dialogue a été initié, il a été initié pour résoudre les problèmes qui surgissaient en 2015. Maintenant, presque le seul point qui est à la table de dialogue, il s'agit de l'élection de 2015. Ça veut dire qu'il y a une mutation au sommet. Mais il y a les conséquences qui restent quand même patentes par rapport à cette crise. Il y a des Burundais qui sont à l'extérieur, il y a des politiciens qui ne parviennent pas à être, à accéder à l'espace politique, et tout ça, ça fait partie des conséquences de cette crise. Vous savez, question d'espace politique est une question difficile. Je me souviens la fois passée en France, quand on faisait la campagne, quand Marine Le Pen était en campagne, il y avait des jeunes qui se sont faufilés dans ces militants, qui ont créé des bagarres jusqu'à ce qu'on a dû évacuer. La place sera l'espace. Donc, question d'espace politique est une question qui est gérée quotidiennement entre la classe politique et les pouvoirs politiques, les pouvoirs publics. On ne peut pas gérer ou résoudre cette question définitivement étant à l'extérieur du pays. Donc, c'est pour vous dire que pour nous, nous attendons que ce sommet des chefs d'État va prendre plutôt une décision de clôturer ce dialogue, parce que pour nous, elle n'a plus de raison d'être, parce que les questions qui surgissaient à l'époque ont presque toutes trouvé solution. Et puis, à ce qui est de la classe politique, peut-être, les gens qui sont à l'extérieur et qui ont fui, vous savez, il y avait des gens qui ont fui en 1972, qui ne sont pas encore venus au Burundi, qui ont décidé de s'installer là-bas. Nous avons d'autres qui sont partis en 1993, qui sont toujours là-bas. Je pense que s'il faut regarder bien les raisons qui maintiennent certaines personnes à l'étranger comme réfugiés, il ne faut pas uniquement les chercher dans le domaine politique, il faut regarder dans des domaines socio-économiques aussi. Parce que on pense qu'il y a des réseaux socio-économiques qui maintiennent nos réfugiés à l'extérieur et non pas politiques. Parce que vous êtes journaliste, vous savez que si les deux murs, je pense, neuf collines du Burundi, il n'y a nulle part où il y a la guerre. Il y a des réfugiés qui rentrent régulièrement et personne n'est inquiété. Il y a certains hommes politiques qui sont venus ici au Burundi, ils sont tranquilles. Et je pense qu'il y a des manipulations politiciennes qui maintiennent effectivement ces réfugiés à l'extérieur pour trouver toujours un prétexte de dire ce qu'on appelle crise grave. Je pense que si vous comparez par exemple le Burundi avec d'autres pays africains, est-ce qu'on peut vraiment dire que le Burundi est en crise grave? Ici au Burundi, il y a effectivement des divergences de points de vue, d'opinion de la classe politique, ce qui est normal dans une démocratie où une opposition ne s'entend pas avec la classe au pouvoir, la classe politique au pouvoir, c'est normal, mais qu'on parle de crise grave, je pense qu'il faut retirer cette appellation. Voilà. Je ne peux pas retirer, c'est moi qui ai dit cela. J'ai même des justificatifs ici, je vais justifier après. Vous aurez votre tour. Je passe la parole à Rémi Habzalimana. Lorsque nous sommes en face de deux politiciens ou l'un défend la fin de la crise et l'acheminement vers les élections 2020 et que l'autre parle d'une crise grave et qu'il faut vraiment que les présidents les chefs d'État de la communauté africaine fassent leur possible pour la résorber. Quelle est votre analyse par rapport à ces situations? Merci beaucoup de la parole. Je vais d'abord dire que c'est tout à fait normal que les deux prennent deux positions tout à fait divergentes. Et rappeler peut-être en passant que ce n'est ni la première fois ni la dernière fois, parce que pour moi, c'est une situation qui s'est toujours vécue au Burundi, parce que chaque fois qu'on parle de rapprochement de la classe politique, il y a toujours justement des divergences, même au niveau des terminologies, parce que les uns parleraient de dialogue, négociation et toutes les terminologies qui sont autour de ce concept, mais justement cela prouve qu'il y a des questions sans réponse. Et les questions sans réponse, donc chacun y va suivant sa position et son angle d'observation. Et je me souviens que lorsque les négociations d'Arusha commençaient à se connaître, parce qu'elles avaient commencé un peu avant, ceux qui étaient à l'époque et au pouvoir, je me souviens d'une autorité qui a dit qu'il ne fallait pas négocier l'accord d'Oku C'est encore une fois une façon de dire... L'accord d'Oku. Oui, l'accord d'Oku. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifiait qu'on disait qu'il faut que les gens s'assoient ensemble. Et à ce niveau, parce que la guerre était déjà déclarée, ils avaient dit on arrête d'abord la guerre et puis on discute. Mmh. Alors il ne fallait pas négocier l'accord d'Oku, c'est ce qu'il disait. Et aujourd'hui, à entendre donc ce qui se dit, en fait, c'est très dommage. Parce que justement, on a l'impression qu'il faut que les choses se compliquent pour que l'on accepte qu'il y ait une crise. Et pour les uns et pour les autres, il faut un peu, j'allais dire, gonfler le terme pour qu'effectivement l'autre comprenne que finalement j'ai la douleur. Et il faut avoir soit compassion ou que les autres m'entendent que j'ai vraiment mal, à défaut que celui qui devrait m'entendre ne le fait pas, faudrait-il que ceux qui m'entendent crier comprennent que c'est un problème. Alors, que l'un ou l'autre se prononce comme cela, c'est normal, mais tout prouve effectivement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La preuve, c'est que justement, il y a des séances qualifiées comme chacun le voudrait, mais quand même, il y a des séances où les médiateurs devraient être entourés par les deux camps pour que l'on en parle. Et pour le cinquième round, comme on vient de le dire, nous savons comment ça s'est passé. Et maintenant, il s'agit justement de ce sommet des chefs d'État. La question est celle de savoir qu'est-ce qui sera étudié. Et à entendre encore une fois les deux, tout au moins, il converge que le sujet devra faire objet de discussion. Honorable Fenias dira qu'ils ont produit un document qu'ils espèrent avoir écho. À ce niveau, Kefa parle d'une occasion ratée. Une occasion ratée, effectivement. Je l'ai dit et je comprends sans soutenir l'un ou l'autre parce que justement, le problème est à ce niveau. Mais la question pour moi, je crois, quelle est la position de la médiation? Qu'est-ce qu'elle comprend, elle? Et qu'est-ce qu'elle devrait faire? Alors, le problème est là. Moi, je crois que ce soit une crise grave d'après honorable et que ce soit une situation tout à fait normale, mais les deux montrent justement qu'il y a un problème qu'il faudrait peut-être voir comment approcher. Alors, c'est normal que celui qui est en train de gérer la situation n'accepte pas que les choses soient mal dites parce que ça serait une preuve d'une mauvaise gestion. Mais c'est normal aussi que la personne qui est en dehors du cercle se rende compte que les choses ne vont pas du tout comme il faut parce que justement, comme je l'ai dit tout au début, lui, il voit que les choses ne marchaient pas. Mais entre les deux, il y a la médiation. Aujourd'hui, au regard de ce qui a été fait par la médiation, pensez-vous que la médiation a joué son rôle depuis la crise de 2015? Jouer son rôle, oui et non. Oui, parce que quand même, si on parle déjà du cinquième round, c'est-à-dire qu'il y en a déjà eu quatre. Alors, l'échec d'un round ne dépend pas nécessairement de la médiation. Faudrait-il que l'on analyse à fond le rapport que le médiateur a produit sur cela? Et s'il montre effectivement qu'il a échoué lui-même et reconnaît cela, quelles sont les motivations? Qu'est-ce qu'il avance pour dire qu'il a échoué? Alors, une partie dit c'est un échec. Et quelle est la raison ou la cause de cet échec? L'autre dira que c'est parce que l'autre camp n'a pas été là. Alors, là, on reculerait pour dire est-ce que la médiation avait toutes les cordes nécessaires pour attirer tous les camps autour de la même table? C'est la question à laquelle il faut répondre. Ou les attacher autour de la table. j'ai voulu être beaucoup plus courtois. Merci d'être plus précis. Mais dans tous les cas, si donc il y a un des camps qui décide qu'il ne faut pas être autour de la table et que le médiateur n'use pas de ses moyens pour qu'effectivement cette autre partie soit présente, la question est-ce qu'on lui a donné ce qu'il faut pour le faire? S'il n'a pas ce qu'il faut pour le faire, est-ce que l'échec incombe à ce médiateur? Mais cette fois-ci, quelle est la raison profonde qui a fait que l'autre ne réponde pas? Là aussi, il faut analyser. Donc, il y a tellement de questions sans réponse qui font qu'effectivement, en entrant à l'intérieur des documents produits par les deux camps qui n'en ont produit certainement. Là, je vais dire les participants qui attendaient la présence du gouvernement qui n'a pas eu lieu et qui ont produit un document, comme il vient de nous le dire. Le médiateur qui a suivi tout le processus et qui, à un certain moment, a déclaré qu'il venait de terminer, certainement qu'il a motivé, un, ce qui a fait qu'ils disent qu'ils terminent, deux, ce qui a fait qu'ils n'aboutissent pas non plus au résultat escompté. Donc, il y a toujours des points à analyser d'un côté comme d'un autre. Honorable Fenias, souvent l'opposition, quand il y a une situation qui n'est pas décantée, c'est toujours le tort au gouvernement par rapport à ce processus. Pensez-vous que c'est toujours la faute au gouvernement ou même l'opposition n'a pas facilité à ce qu'il y ait une solution jusqu'au cinquième round de dialogue? Bon, avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord revenir un peu sur ce qui a été dit. Il y a tendance à banaliser la situation, dire qu'il n'y a pas de crise ici au Burundi. De la part de qui ? Et surtout de mon frère Kefa, dire qu'il n'y a pas de crise ici au Burundi, qu'il n'y a pas de crise politique ici au Burundi, et c'est vraiment exagéré. Si on regarde vraiment au niveau de la coopération, le Burundi avec les autres organisations internationales. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? La coopération est presque au point mort. Si vous regardez comment certains politiciens sont en exil. Mais on vous dira que les fonctionnaires sont payés et que le Burundi... Mais il y a d'autres projets de grande envergure. Comme tous les autres pays de l'Afrique. Il y a d'autres projets de grande envergure qui ne sont pas exécutés actuellement. Entre autres. Regardez comment les routes sont dans la ville de Bujumbura. Ce sont des trous partout. Pourquoi est-ce qu'on ne réhabilite pas ces routes-là? On n'a pas de moyens. Mais entre-temps, il y a d'autres routes qui sont en train d'être construites. Actuellement, tu peux me dire où? Je vois vraiment maintenant qu'il faut dire les choses comme elles sont. Mawanda Nyanzara qui a été réhabilité pendant cette période-là. Sur quel fond? Le fonds de la Banque mondiale. C'est au niveau de l'EAC. Il faut avoir chaque fois d'avoir des informations plus sûres. Maintenant, regardez, non, il faut regarder de façon générale. Est-ce que si vous regardez vraiment au Burundi, il n'y a pas de pauvreté actuellement? Est-ce que le degré de chômage actuellement, est-ce que vous trouvez ça normal? Si vous regardez très bien les Burundis qui sont en exil, vous voulez seulement relativiser et dire que ce sont les exilés de 1972 et de 93. Maintenant, ceux qui sont partis à cause de cette négation de la cour d'Arusha, mais est-ce qu'ils sont déjà revenus? Les portugais qui sont en exil, vous trouvez ça normal? Pour moi, tout ça montre maintenant qu'il y a une crise. C'est pourquoi même on avait mis en place cette institution de médiation. On devrait faire entendre deux groupes, l'opposition et la mouvance. Et malheureusement, nous voyons qu'il n'y a pas de volonté au niveau du parti au pouvoir et ses alliés. Mais au niveau de l'opposition, il y avait tantôt une division et que pour la médiation, c'était dernièrement pas si facile. Dernièrement, nous étions là, même des invitations. Nous avons entendu des conseils. C'était le dernier round. Qui vous dit que c'est le dernier round? C'est la médiation. Ce n'est pas le dernier round. C'est peut-être pour l'EAC. Ça peut être le dernier. Mais ça, il y aura d'autres rounds pour les autres échelons. Vous allez voir. Mais la crise burundaise, il ne faut pas s'attendre beaucoup par rapport au sommet des chefs d'État. Je vous le dis, nous devons dialoguer, on doit dialoguer pour trouver la solution à cette crise. Si on ne dialogue pas aujourd'hui, demain on va dialoguer. C'est comme ça. Nous avons de l'expérience, nous avons vu comment l'accord d'Arusha a été signé. Ça a pris beaucoup de temps, mais on a une solution à la crise. Mais pour ce problème actuel, nous devons dialoguer et nous allons dialoguer. Si ce n'est pas aujourd'hui, demain ou après-demain, on va dialoguer. Nous espérons. Alors, Si la décision ne vient pas dans le sens que vous voulez imprimer à ce dialogue par rapport à la décision du sommet des chefs d'État? Je pense que le point du Burundi sera inscrit à l'ordre du jour. Et il veut se prononcer sur ça. Mais pas de façon spéciale, selon Kefa. Ça va faire partie d'autres questions. Moi, je ne peux pas dire comment il veut se prononcer. Mm-hmm. C'est à eux. Mais ce qui est important, c'est que d'abord, c'est que ça soit inscrit à l'ordre du jour. Deuxièmement, vous avez entendu le président Museveni, ce qu'il a dit. Le Burundi a besoin d'une nouvelle constitution. Il a dit ça hier. Le Burundi a besoin d'une nouvelle constitution. Ça, c'est hautement politique. C'est-à-dire qu'il voit qu'il y a une crise. À cette crise-là, il faut que... Au niveau du Frodebo, vous considérez ça comme déjà un acquis? Parce qu'auparavant, vous accusez même le président Museveni qu'il ne faisait pas son possible pour résoudre la crise. Vous allez m'excuser. Je vais revenir un peu en arrière. Mm. Ce qu'il a dit hier, ça a créé une confusion. Je vais m'expliquer. Avant, Museveni ne donnait pas la position claire. Mais nous prenons le président Museveni comme une personne clé dans cette crise burundaise. Pourquoi? Lorsque on a signé l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation, il était là. Il connaît l'esprit et la lettre de cet accord d'Arusha. En tant que président de l'initiative. Effectivement. Il a été même mandaté pour suivre la mise en œuvre de cet accord. Et le garant. Effectivement. Mais ce qui nous a un peu étonné, lorsqu'il y a eu la négation de cet accord d'Arusha de la Constitution qui en est issu, on n'a pas entendu sa parole. C'était vraiment un silence absolu. On a même initié le processus de révision de la Constitution. On n'a pas entendu sa parole. C'était un silence absolu. Maintenant qu'on a déjà révisé la Constitution, qu'on a fait une Constitution taillée sur une mesure, maintenant il voit que c'est déjà un problème. Il voit qu'on ne peut pas avancer. Il dit maintenant, au Burundi, il faut une nouvelle Constitution. Peut-être. Vaut mieux tard que jamais. Oui, pour nous. Même s'il a traîné, maintenant qu'il vient de voir qu'il y a beaucoup de problèmes à résoudre, surtout qu'il faut une nouvelle Constitution. Je pense qu'il ne va pas trouver une meilleure constitution que celle de 2005. C'est la meilleure constitution. Je pense que lui aussi le connaît parce que cette constitution était une constitution consensuelle où tout le monde se sentait à l'aise. Mais c'est avec la nouvelle, cette nouvelle, c'est une constitution qui est taillée sur une mesure, qui a une certaine exclusion. Il y a des articles, des dispositions qui excluent les uns ou les autres, qui ne permettent pas le dialogue permanent au sein des institutions, ou à voir comment les lois seront votées, à voir comment on va former le gouvernement, tout cela, à voir comment il y aura un premier ministre qui n'a pas de cahier de charge, tout cela, c'est une constitution qui est taillée sur mesure. Mais je pense que, puisque Museveni a déjà vu maintenant qu'il faut une nouvelle constitution, nous espérons. Est-ce qu'il va tenir parole devant au sommet des chefs d'État? Nous attendons. Peut-être que ce sera le début de la solution sur la crise burundaise. Je vais poser la question, peut-être je reformule. Si le gouvernement aujourd'hui vous accuse d'avoir handicapé le processus de dialogue... Comment est-ce que le Frodebo a handicapé le processus de dialogue? Nous avons répondu favorablement à tous les rounds. Nous étions là, toujours. Nous avons donné nos contributions. Pour le Frodebo, nous privilégions le dialogue. Alors, c'est pourquoi nous voulons que la crise soit vidée pour que la population puisse vaquer normalement aux activités de développement et le pays puisse se développer convenablement, comme les autres pays. Kefa Nivise, au niveau de Frodebo Nyakuri, voilà que au niveau de votre parti frère Sahonia Frodebo, on suppose que le sommet des chefs d'État de la communauté est-africaine sera salvateur. Et vous, quelle est votre position? Bon, avant de répondre effectivement à votre question, j'aimerais retourner un peu en arrière. Il y a ce que je qualifie maintenant comme le syndrome d'Arusha. Ça veut dire les personnes qui ont participé à Arusha et qui ont signé l'accord, ils ont contracté une certaine, peut-être dire maladie entre guillemets, de vouloir toujours chercher tout dans le partage. Alors que la démocratie actuelle qui est en vogue dans le monde, pour être dans les postes de responsabilité, il faut toujours passer par les élections. Mais vous entendrez toujours parler dialogue. Les partis politiques quittent les élections en 2010, ils prennent le dialogue. Ils quittent les élections en 2015, ils prennent le dialogue. Comme quoi le dialogue doit remplacer les élections. C'est ça, moi que je qualifie. Ça a été toujours la même demande avec ce nouveau dialogue. Oui, parce que vous savez, quand on a commencé, on disait il faut un gouvernement de transition. Maintenant, dans la feuille de route qui a été signée, on parle des institutions de consensus. En d'autres termes, on a changé la terminologie, mais on veut la même chose. Une classe politique. La feuille de route d'Entebbe. Oui, oui. Mm-hmm. Une classe politique qui ne veut pas les élections, qui veut qu'on s'asseye ensemble pour dire tel est deviendra ministre de la communication, l'autre gouverneur. Vous êtes le DG, vous êtes le DG. Nous, on n'a aucun poste. Il faut dire qu'il ne faut jamais avoir peur des élections. Donc il faut essayer de sortir de ce syndrome d'Arusha. La fois passée, on a organisé un autre dialogue qui a été piloté par CNDI et qui a produit déjà ses fruits. Maintenant, on continue à dialoguer à travers les différentes réunions qui se soient organisées par le ministère de l'Intérieur, auquel d'ailleurs Frodion ne participait pas. Hélas, il a participé à Kayanza. Et dans d'autres réunions qui sont souvent organisées par le médiateur burundais, et honorable Edouard Nduimana. Ça veut dire que le dialogue au Burundi est une culture. Ce n'est pas un enseignement ou une émanation de l'IAC. Mais pourquoi lorsque vous arrivez à Arusha, ça devient un échec pour les politiciens, alors que vous êtes habitué au dialogue? Je vous ai dit que c'est ce problème de syndrome là où les gens pensent qu'on est là pour partager quelque chose. Sinon, s'il faut-il dialoguer, faudrait-il qu'on retourne sur une constitution qui a été présentée par le gouvernement, auxquels les différents partis politiques, y compris le Front Debout, ont participé à la campagne. Certains disaient oui, certains disaient non. À ce niveau, et le président Museveni tape à côté. C'est ça, là où je veux en venir. Mm. Et ceux qui avaient prôné le non, ils ont été vaincus, et maintenant ils réclament le dialogue. Supposons que la population allait voter non, et que la question ne passe pas, et que l'autre parti demande, maintenant il faut dialoguer. Alors, où est-ce qu'on en arrivera? Il faut donc avoir dans l'esprit, si nous sommes des partis politiques démocratiques, le respect du verdict populaire. Parce que la question de la constitution a été tranchée. S'il a été organisé dans les conditions normales, dans tous les cas, il y a des principes. Le parti que vous représentez ici n'a pas relevé des irrégularités dans cette constitution, plutôt dans la campagne. Dans la campagne ou dans le processus référendaire, et vous n'avez pas même porté plainte auprès de la Cour constitutionnelle, ça veut dire que vous avez accepté le résultat des urnes. Et dans ces conditions, il ne faut pas continuer à distraire vos membres et la population pour peut-être semer une certaine confusion. Quand je retourne à ce qu'a dit son Excellence, Monsieur le Président Museveni, vous savez, c'est un politicien. Des fois, il peut même tenter de distraire les gens. Mais il y reste médiateur. Dans tous les cas, moi je vous dis, s'il faut une constitution consensuelle, et si on est dans son pays. Mais pour quel intérêt il pourrait distraire les gens, les Burundais? Un chef d'État qui veut distraire les gens. Et à se battre pour une constitution. C'est là où on a une constitution qui est consensuelle. Et je me dis toujours, quelle leçon la région peut nous donner à ce qui est de l'organisation de nos pays, quand on regarde comment, je m'étonne même si mon ami ici peut avoir beaucoup de confiance et d'attente surtout. Au regard de comment on organise les élections là-bas, au regard de comment la constitution s'est passée, au regard de comment on a prolongé le mandat, et voilà, il a confiance maintenant en Uganda. Non. Je vous demande, attention, mon ami. Mon ami honorable. Je ne peux pas qualifier un chef d'État comme il est en train de distraire les gens. Honorable Fenias, je vous demanderai une chose. Regardez votre stratégie depuis 2010, qui a toujours échoué. Non. Cette fois-ci. Il faut parler de Nyakuri. Il faut parler de Nyakuri. Pas de Front Debout. Je vous conseille. Moi, je suis le porte-parole. Je vous conseille. Non, vos conseils, laissez. D'abord, il faut te conseiller. Je vous conseille. Toi, non. Écoutez mes conseils. Non. Vous n'avez rien à nous conseiller. Honorable Fenias, comme l'autre. Vous n'avez rien à nous conseiller. Si vous l'interrompez, okay, vous n'aurez pas la suite. Je laisse si sa position n'est pas attaquée au Front Debout. Je laisse donc parler au Front Debout. Non, je parle en général. Voilà. Les partis politiques qui se sont toujours retirés des élections et qui, au lieu de mettre leur attention sur les militants et sur les résultats du vote, ils tournent toujours les regards, l'attention à la communauté nationale, il sera toujours dans la confusion. Parce que la communauté nationale joue son jeu. Si Moussa venait à dire ceci, aujourd'hui, on ne sait pas s'il ne dira pas autre domaine. À titre d'information, j'ai appris qu'il y a une délégation, je ne dirai pas laquelle, qui aurait à revoir Museveni, et Museveni aurait promis autre chose. Si, pourriez-vous nous dire cette promesse? Vous le saurez. Le 30 novembre. Probablement, oui. Mosaïque. Donc, je conseillerais à ces gens-là qui souffrent finalement du syndrome d'Arusha, qui parce que tout s'obtient par partage, par dialogue, qui ne veut pas les élections, de se ressaisir et de voir comment faut-il se concentrer à la mobilisation et à la fidélisation de nos militants. C'est de là où nous allons trouver, tirer une force suffisante pour imposer notre vision à la nation. La communauté nationale nous aidera ultérieurement. Voilà, Rémi Abdialimana, vous avez entendu les deux. Pour Fenias, il attend à ce que la médiation puisse continuer et orienter le dialogue par rapport à la position des chefs d'État de l'EAC. Et c'est Kefa qui dit qu'il n'y a pas une grande leçon à tirer de la gestion politique de nos pays à travers la sous-région. Pensez-vous qu'il y a espoir à travers le sommet des chefs d'État de l'EAC? Merci beaucoup de la question. J'ai toujours espoir parce que chaque fois qu'on parle de rencontre de deux personnes qui s'entendent pas sur un point, moi je ne parle pas d'échec parce qu'il y a toujours une avancée qui est cachée derrière et il faut avoir des yeux positifs pour effectivement déceler ce qui n'est pas dit. Ici, je vais dire que même lors de ce cinquième round, il y a énormément d'avancées si vraiment on veut exploiter justement ce qui en est sorti. Et malheureusement, je crains que les deux camps se cramponnent sur leur position. On disait d'ailleurs par rapport à ces deux feuilles de route, celle d'Entebbe et celle de Kayanza, qu'il y avait plusieurs points en commun. Ce n'est pas que ça. En fait, chaque fois que les Burundais se rencontrent, ils ont peu de points de divergence et que de points de convergence. Et comme je le disais tout à l'heure, malheureusement, les yeux qui sont toujours focalisés sur le négatif donneront toujours des résultats négatifs alors qu'il y a du positif. Alors, à Arusha, ensuite à Entebbe, comme vous le dites, ou à Kayanza, il y a des points très positifs. Et si vraiment on les exploitait, on pourrait avancer et arriver finalement à des résultats très, très positifs. Mais comme les deux positions, justement, se contredisent, et c'est tout à fait normal, je l'ai dit, mais je dois avouer et dire que nous avons un problème, justement, de positionnement qui, quelque part, se concentre sur le petit cercle qui est en train de gérer et de décider sans malheureusement aller en dehors du cercle qui fait objet de discussion. Et c'est ce qui fait que au Burundi, vous verrez que les négociations ou le dialogue suivant les camps se font entre soit des personnes qui hier étaient au pouvoir avec ceux qui gouvernent aujourd'hui. Et demain, ça sera encore une fois ceux qui hier étaient au pouvoir qui reviennent réclamer la même chose. Ce qui montre et prouve que réellement, il y a des questions qui restent sans être traitées en profondeur. Et à ce niveau, c'est à ce niveau où effectivement, il faut faire un clin d'œil et dire faites une sorte d'analyse assez approfondie pour voir les problèmes qui soient déconnectés des individus. Parce que le grand problème, c'est qu'effectivement, on parle parce que je suis dans les négociations et je cherche qui je suis. Je fais tout autour de ma personne. Et là, ça fait que s'il y a un changement, et les changements sont incontournables, inévitables, ça fait que la personne qui va me remplacer trouvera que j'ai tellement favorisé le poste ou la place. Et là où je suis, je n'avais pas penser ou imaginer que j'allais occuper cette autre place. Et c'est ce qui fait que les anciens dirigeants se situent dans des situations tellement malheureuses qu'ils ne peuvent même plus contribuer dans les systèmes qu'ils ont même eux-mêmes installés. Et ça, c'est un défaut de notre politique et que les hommes politiques de notre pays devraient jeter un coup d'œil et se dire « Aujourd'hui, je suis privilégié parce que je suis en train de décider en faveur du reste de la population, mais demain, je peux me retrouver dans une position où les autres prendront des décisions à ma faveur ou à ma défaveur. Donc, faudrait-il que je commence un système qui fait que demain, même pas au pouvoir, je sois bénéficiaire des décisions qui seront prises et dans cette manière que je suis en train de faire. Deuxièmement, c'est le fait un peu de sortir de son cercle et de se dire, en tant que responsable politique, je suis appelé à dessiner une politique nationale. Et là, vous projetez vos regards sur les autres, pas nécessairement sur votre personne, sur votre parti politique ou sur votre famille, et je vais dire restreinte politiquement. Et parce que, encore une fois, c'est ce qui a comme conséquence le fait que le dirigeant d'hier se retrouve en train de commander aujourd'hui sa place dans la société alors qu'il est là où il avait positionné les autres. Et ça, c'est malheureux. Et c'est dommage que l'actuel n'ait pas ses yeux qui lui permettent justement de dépasser les murs et voir celui qui était là où il est aujourd'hui. Où est-il? Comment vit-il? Que veut-il? Que demande-t-il? Donc, ça, c'est au niveau de la classe politique. Mais ça prend de position à votre niveau, après avoir analysé le processus du dialogue à Arusha ou à l'extérieur du pays, pensez-vous que le sommet des chefs d'État pourra aider à ce que la crise soit résorbée? Je l'ai dit partiellement, je suis convaincu que chaque fois que les gens se mettent autour d'une table pour discuter d'une question, ils peuvent ne pas la terminer. Mais ils avancent toujours. Alors, je disais donc que si les chefs d'État se penchent sur la question burundaise, ils devront nécessairement prendre une position. Et comme l'un l'avait bien dit, quelque part la question est-ce que nous voulons une position imposée? Mais il y a cette crise politique aussi qui a fait que les relations entre le Burundi et certains pays, même membres de l'EAC, ne soient pas au bon fixe. Et pensez-vous que les chefs de l'État sont vraiment concernés par la crise burundaise pour y apporter une solution? Il faut analyser cette fois-ci leur position sous l'angle global. Parce que pourquoi, par exemple, le président ougandais reste maintenu dans sa position de médiateur? Malgré justement ce que l'on dit autour, c'est vrai, et je suis d'accord avec ceux qui le disent, à un certain moment, il ne pouvait pas se positionner parce que les mêmes questions qu'il était appelé à résoudre au Burundi se trouvaient chez lui. Mais maintenant que peut-être la page est tournée, au moins partiellement, il peut prendre position, et la position qu'il peut prendre, même en position de faiblesse chez lui, peut avoir des conséquences assez sérieuses au Burundi. Parce que ce n'est pas sous l'angle de ceux qui se trouvent chez lui qu'il va se positionner. Il va se positionner par rapport aux questions qui se posent au Burundi. Et des deux camps, personne ne pourra dire « Nous refusons votre position parce que cela n'est pas appliqué chez vous ». En fait, ça, c'est le niveau politique où il est en position de médiateur parce que la communauté internationale le désigne comme médiateur et ce qu'il fera ne devrait pas nécessairement être en rapport avec son pays. C'est vrai, il ne sera peut-être pas tellement fier, trop, j'allais dire. Mais ça sera difficile de le séparer de son costume de chef d'État en même temps de son costume de médiateur parce qu'après tout, ça reste, c'est Museveni qui reste. Là, si vous allez dans cet angle-là, c'est le président du parti Sawanya-Frodebou-Niakouli qui l'avait dit. Effectivement, tous les pays de la sous-région connaissent des problèmes. Mais si l'on a décidé d'en choisir des médiateurs, ce n'est pas parce que ceux qui les ont désignés ne voient pas ces problèmes. C'est cette fois-ci d'une façon géopolitique de voir les choses, la politique internationale de régionaliser les solutions qui fait que dans ces pays, qui doit prendre la relève? et le porte-parole du Soigna Frodebout l'avait bien dit. Il a participé dès le début, justement, de la résolution de la crise burundaise. Il y connaît les tenants et les aboutissants des accords d'Arusha. Et s'il ne s'est pas positionné dernièrement sur les différents rounds, ce n'est pas parce qu'il n'avait pas à dire. C'est peut-être sa stratégie, justement. Et s'il y vient maintenant, pourquoi exclure l'éventualité qu'il puisse venir avec une décision, justement, qui tend à mettre fin, je dirais, au processus? Et n'oubliez pas non plus qu'il y a la notion de respect mutuel de ces chefs d'État aussi, parce que si le président Mkapa n'a pas pu avoir un document qui soit régionalement accepté comme fin de la médiation, est-ce que la Tanzanie va lâcher? La Tanzanie et le président de la Tanzanie actuel pourrait effectivement passer par son homologue ougandais pour dire « nous devons aboutir à quelque chose ». Et c'est sa politique. Et la Tanzanie peut influencer, et l'Ouganda ne serait pas contre, pour qu'effectivement, ensemble, ils aboutissent à un document qui soit signé par les deux camps. Peut-être pas pour vraiment mettre fin aux questions qui s'opposent, parce que comme nous le comprenons, ce ne sont pas des questions qui doivent trouver solution en une seule séance. Mais au moins, une base qui permette que les étapes suivantes soient possibles. Et là, je crois qu'une main forte de la médiation qui puisse obliger les deux camps à s'asseoir ensemble. Comme je l'ai dit, chaque fois qu'on se met ensemble, on a plus de points de divergence, moins de points de divergence, pardon, que de points de convergence. Donc, le peu de points qui restent à analyser, la communauté burundaise, comme toute autre communauté, c'est une communauté dynamique. Il y a des questions qui peuvent avoir des solutions dans l'immédiat et d'autres qui doivent trouver des solutions à l'étape suivante. Donc, il ne faudrait pas y aller avec un esprit d'attente d'une solution miracle qui résolve tous les problèmes en même temps, ça ne serait pas possible. Mais il y a quelqu'un qui avance que s'il y a eu un peu un blocage, c'est que l'opposition voudrait un gouvernement de transition. C'est encore une fois les stratégies de négociation ou de dialogue. Là, on est sur le marché, vous vendez, vous devez valoriser votre produit. Et celui qui achète devra dire que vous avez mauvais produit, même s'il veut en acheter. C'est le jeu qui se trouve entre la personne qui est au pouvoir, comme celle qui est dans l'opposition, qui veut en fait être au pouvoir. Et c'est pour cette raison qu'un même fait est interprété différemment. Celui qui est au pouvoir dira que c'est tout à fait normal, alors que celui qui est dans l'opposition dira que c'est plutôt la catastrophe. Donc, les deux positions différentes, dans tous les cas, comme je l'ai dit au début, prouvent qu'il y a des questions qui doivent être analysées d'une façon objective. Et comme je le disais tout à l'heure, regardez aussi dans l'avenir, parce que quelles sont les personnes aujourd'hui qui font partie de ces différents rounds qui avaient participé dans les rounds d'Arusha 1? Très peu. Et maintenant, s'il faut justement se poser la question, d'ici 5 ans, 10 ans, combien de ceux qui participent maintenant participeront encore? Si donc on devrait cette fois-ci élargir les horizons et se dire, nous décidons pour un Burundi, la jeunesse qui est en train d'évoluer, les autres qui ne participent pas dans ces différents rounds, alors je dois me sortir un peu de mon petit cercle et voir plus grand. Il y a des décisions qui devraient être prises et qui seraient orientées dans le sens d'aider beaucoup plus à sortir des questions, parce que comme vous entendez les deux, les problèmes c'est lundi, lorsqu'on parle de négociation, on parle partage. L'autre dit non, rien ne va au niveau économique, au niveau les projets de grande envergure. Tout le monde a raison. Parce que ceux qui décident de ces projets de grande envergure doivent occuper ces postes de responsabilité pour le décider. Mais si on se trompe sur ces gens, on se trompe aussi sur ces projets de grande envergure. Et si l'on ne négocie pas convenablement pour que l'on voit, on projette le pays en avant, le problème reste justement, et chacun se justifie, disons, on ne négocie pas parce que vous voulez partager les postes. Mmh. Et l'autre dira, si l'on ne partage pas les postes, qui décidera de ces bons projets? Donc, ça devient finalement une sorte de prétexte qui nous renvoie vers l'œuf et la poule, qui vient avant, qui vient après. Mais chaque fois qu'il y a des problèmes, il faut reconnaître. On ne peut pas trouver une solution sans inclure les autres. Mais on ne peut pas non plus, chaque fois, tourner autour de cette inclusion de négociation, parce que ce qui me gêne un peu, c'est que les mêmes questions qui sont décidées à Arusha 1 risquent d'être les mêmes que ceux qui se décident demain. Et là, je ne suis pas à l'aise. Ça montre que vraiment, on n'apprend pas sur l'histoire, on ne tient pas compte des décisions prises. On voudrait la réitérer. Exact. Au niveau du parti Issarwanya Frodebu, maintenant que le président Yoweri Museveni annonce que le 30 convoque les chefs d'État dans un sommet le 30 novembre, qu'est-ce que vous exhortez à ces chefs de l'État pour une issue favorable de la crise politique au Burundi? Je voudrais d'abord dire que lorsque vous nous appelez ici, nous ne sommes pas venus ici pour lancer des injures pour les uns ou pour les autres. Nous sommes ici pour donner des positions sur un thème, une thématique qui est claire. Vous vous adressez à Kefani Viz. Effectivement, il y a eu des injures. C'est la classe politique burundaise. L'opposition. Oui, c'est aussi l'opposition. Qui n'est pas la sienne. Oui, il dit que la classe politique, l'opposition, il y a une maladie. Mais il est aussi de l'opposition. Non. Oui. Laissez ces histoires. On se connaît ici. Bon, tout le monde connaît tout le monde. On se connaît. Pourquoi est-ce que c'est le Frodebu Nyakuri? Pourquoi est-ce que c'est le mot Nyakuri? Ça dit beaucoup de choses. Mais laissons ça. Mais moi, je voudrais faire un clé d'œil qu'il faut éviter les injures. Qu'est-ce que vous exhortez au président du pays d'abord, de l'IAC lors du sommet? On s'adresse au qui s'annonce le 30 novembre. On s'adresse d'abord à son Excellence et le président ougandais, Museveni, pour les rounds qui ont été programmés bien avant. Il n'a pas montré vraiment, il n'a pas usé de sa force pour soutenir Mkapa comme il fallait. Vous avez 2 minutes. Mais maintenant, qui vient maintenant de se ressaisir, nous demandons d'abord d'user de sa force pour redresser cette situation qui est chaotique ici au Burundi, pour tenir parole d'abord, le jour du sommet des chefs d'État. Kefa vous demande de peser vos mots. Ah, il va le dire. Si j'ai, peut-être j'ai mal dit, il aura son tour. Il a évité de parler le chaos. Mais le chaos, il y est. Il y a un problème politique. Il y a le problème économique, le problème politique, le problème au niveau de la coopération. C'est vraiment chaotique. Mm-hmm. Pour nous, on peut qualifier comme ça. C'est chaotique. Alors, on demande au chef d'État d'analyser le problème, d'analyser la situation politique, la situation économique, la situation sécuritaire au Burundi, et de donner une contribution pour aider le Burundi à sortir de cette impasse. Parce que on ne peut pas se contenter si votre voisin a des problèmes et dire que être content et dire que demain ces mêmes problèmes peuvent arriver chez toi. Donc il faut au moins l'aider à trouver des solutions à ces problèmes. Et nous sommes sûrs que les chefs d'État vont essayer de contribuer, de donner la contribution. Parce que, souvenez-vous, lorsque on disait dans les coulisses qu'on organisait ce sommet vers la fin du mois, le pouvoir de Bujumbura disait qu'il fallait reporter. Maintenant que le président de l'EAC a dit qu'il faut que ce sommet soit organisé, peut-être qu'ils vont dire quelque chose sur les problèmes burundais. Même s'il y a d'autres problèmes de la région, mais nous pensons que la question burundaise sera bien traitée au cours de ce sommet des chefs d'État. On peut demander même à la classe politique, de rester vigilante, surtout de faire un pas, que ce soit au niveau de l'opposition, que ce soit au niveau de la mouvance, faire un pas en avant, faire des concessions pour voir comment avancer et trouver des solutions à cette crise qui a trop duré. Et à ce niveau, le Frodebu sera le meilleur élève. Ah, le Frodebu est habitué à faire ça. Souvenez-vous, lorsque nous étions à Arusha, nous avons aidé, nous avons donné nos contributions et ça a aidé le Burundi à sortir de la crise à cette période-là. Nous sommes là, c'est pourquoi à chaque fois qu'on organise un round, nous présentons là-bas pour donner nos contributions. En plus, on demande même à la communauté internationale de rester à côté du Burundi, surtout de donner des contributions pour aider le Burundi à sortir également de cette crise. Puisque parce que nous voyons vraiment que si on continue, si cette crise perdure, ça va coûter cher à la population burundaise. Kefa Nibizi, nous sommes vers la fin de cette émission. Vous dites que vous n'espérez pas beaucoup par rapport au prochain sommet des chefs d'État de la communauté est-africaine. Mais le dialogue reste en suspens. À votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la crise politique trouve une solution? Je demanderai aux chefs d'État qui seront réunis dans ce sommet de recommander l'organisation de tout dernier round, parce que la fois passée, il n'y a pas eu de round de dialogue. Le sixième round est nécessaire. Je pense même, moi, je dirais du cinquième. Le cinquième round de dialogue entre les Burundais, et pour qu'on puisse produire un communiqué final de ce dialogue qui n'a plus d'objet, comme je l'ai déjà montré. Pour le clôturer officiellement? Oui, pour clôturer. Pas pour négocier? Pas parce qu'on a déjà ouvert ce dialogue. Il faut toujours trouver une occasion de le clôturer. Donc il faudrait que le sommet recommande l'organisation d'une session d'une ou deux jours pour pouvoir clôturer ce dialogue, pour qu'il y ait des discours de clôture de ce dialogue. Et de laisser au peuple burundais et pour qu'il puisse s'organiser mieux vers l'élection de 2020 et vaquer quotidiennement à ses activités de développement. Parce que quand on parle toujours de dialogue, ça donne l'impression et un peu de suspense dans la conscience des Burundais et de la communauté nationale, comme quoi il y a crise, grave crise, comme les uns le disent. Donc il faut clôturer. Et je vous dis, quand on va clôturer ce dialogue, vous verrez beaucoup de réfugiés qui vont rentrer, vous verrez beaucoup d'hommes politiques qui vont rentrer parce que la spéculation sera terminée. Donc pour nous, nous pensons que le Sahel se trouve dans la clôture pure et simple de ce dialogue. Et quelques questions qui restent, c'est dans l'organisation des élections, notamment les feuilles de route, notamment le code électoral et autres. On va qu'on est en discuter ici au Burundi. Avec le rapatriement du dialogue. Oui, oui. Merci Rémi Havyarimana. Bientôt le 30 novembre, si la date ne change pas, c'est annoncé qu'il y aura un sommet des chefs d'État de la communauté est-africaine. Par rapport à la question burundaise, à la crise burundaise, qu'est-ce que vous recommandez à ces chefs d'État? Je crois qu'au niveau des chefs d'État, ils ont d'abord... je dirais logiquement, à analyser le rapport du médiateur Mkapa, enfin le deuxième, l'adjoint, mais en même temps tous les contours de la question, parce que je me dis, c'est eux qui avaient décidé justement la mise sur le pied de cet organe, et c'est eux qui doivent en apprécier. Mais encore une fois, je crois, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'analyse profonde des points qui ont fait objet de consensus. Parce qu'il y en a, mine de rien, il y a pas mal de points qui ont, fait que les deux camps se comprennent et s'entendent sur l'évolution des choses. Là, il faudrait qu'ils encouragent ce volet. Deuxièmement, il faut aller de l'avant. Et je crois parce que le problème qui risque de se poser est effectivement... Parce qu'il se prolonge finalement, ça fait qu'avec le temps, il y a des questions qui semblent non plus d'actualité. Pas parce que vraiment ils ont trouvé de réponses, mais parce qu'en On l'a vu au fur et à mesure de ces rounds, exact. Que certaines questions qui étaient chaudes avec un autre round, ça se dissipait du fait de la situation sur le terrain. Exact, parce que l'exemple, c'est les élections. Lorsque celui qui dit que la solution se trouve au niveau des élections, alors que l'opposition dit que ce n'est pas possible que les élections ne soient pas consensuelles, et le refus des résultats se dessine avant, lors de l'organisation. Lorsque l'organisation n'a pas été consensuelle, on peut déjà prédire le refus parce que justement cela n'a pas été consensuel. Donc à ce niveau, c'est ce qu'il faudrait que les chefs d'État fassent, rassurent les deux camps. je crois qu'il y a une certaine peur des décideurs à notre niveau où effectivement ces chefs d'État devraient rassurer les uns et les autres par rapport à leur peur. Est-ce qu'il n'y a pas justement cette peur par rapport aux élections de 2020 du fait que l'échéance risque d'arriver alors qu'on n'a pas trouvé un consensus autour du dialogue? Voilà, notamment lorsque les négociations commencent, les élections ne font pas objet de discussion. Mais maintenant, tout tourne autour des élections. Est-ce que les questions qui viennent avant les élections ont trouvé réponse? En fait, je voudrais justement attirer l'attention de ces chefs d'État de voir que plus la question se prolonge avant d'en trouver une solution, d'autres semblent être plus pertinentes que la première. Et finalement, plusieurs questions se superposent sans qu'on en ait trouvé des solutions. Et la victime, dans tous les cas, c'est la population burundaise. Donc, un cri d'alarme, mettez fin à ces questions qui ont un jour été déposées sur table. Trouvez des solutions adéquates pour que l'on aille sur des questions suivantes, notamment les questions de développement, les questions des droits de l'homme, les questions de scolarité, les questions, juste ces questions dont ont besoin la population à la base. Parce que finalement, c'est eux qui attendent le gros de ce qui ressort de là-bas. Mais après, il y a justement ces questions lorsque ce n'est pas bien analysé en profondeur et que l'on se limite seulement au niveau de la classe politique qui est aux négociations. Merci. Voilà, c'est la fin de l'émission Mosaïque. Et dans Mosaïque d'aujourd'hui, nous débattions autour des attentes des uns et des autres à l'approche du sommet des chefs d'État de la communauté est-africaine par rapport à la question de la crise politique et le dialogue piloté par le président ougandais Yoweri Kaguta Museveni. Autour du plateau, nous étions avec trois invités. Honorable Phineas Nigaba, porte-parole du parti Sahwanya Frodebu, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et je vous remercie moi aussi. Je remercie mes collègues avec qui nous étions ensemble. Nous disons également merci à M. Kefani Bizi, président du parti Sahwanya Frodebu, Nyakuri, Iragi, Gandada et Melchior. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Mosaïque d'aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir invités. Je remercie mes collègues qui sont ici. Et je signalerai à mon ami honorable Nigaba que je n'ai aucune intention de les injurier. Mais c'était tout simplement à craindre que je ferais un droit. Donc, il faudrait qu'ils prennent ça dans un angle positif. Ils n'en seront pas tout de même fâchés de ce plateau. Je dis également merci à Rémi Abdialimana, expert en résolution pacifique des conflits. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci aussi aux auditeurs. Dans Mosaïque d'aujourd'hui, Jérôme Nyonzima a assuré la réalisation. Je dis également merci à Séraphine Akizimana pour sa contribution technique. Pacifique Chubahiro au micro et à l'animation de Mosaïque. Je vous dis de continuer de suivre les émissions de la radio Isanganiro. Merci. Mosaïque.